إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dans les premiers temps, ce qu'ont subi les croyants était principalement des préjudices d'ordre moral, visant essentiellement à discréditer l'islam, la prophétie ou la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais les événements se précipitèrent et un recours à des préjudices physiques pointés à l'horizon. Au bout de la quatrième année de la prophétie, l'exaspération des associates Quraishites devant la détermination du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, devant le nombre sans cesse grandissant des croyants et devant la crainte de perdre ce pouvoir et cette hégémonie, les a poussés à devenir virulents et violents et à persécuter les musulmans. Devant cet état de fait, devant l'impuissance des Quraysh à empêcher l'islam de progresser et de gagner les cœurs, ces derniers décidèrent d'intensifier leur persécution sur les musulmans en employant la force, les châtiments corporels, les humiliations, voire le meurtre. Les châtiments corporels étaient surtout appliqués sur les plus faibles d'entre les musulmans, ceux qui n'étaient pas issus d'une tribu puissante capable de les protéger, ou encore des esclaves convertis qui étaient sous le joug de leur maître, mécréants, qui n'hésitaient pas à leur faire subir toutes sortes de châtiments et d'humiliations jusqu'à ce qu'ils renient l'islam et reviennent sur l'idolâtrie. Les mécréants essayaient par tous les moyens d'inciter les fidèles à revenir à l'idolâtrie. Khabbab ibn al-Arat, radiallahu tabaraka wa ta'ala, a dit: جئت العاصي ابن وائل السهم أتقاضاه حقا لي عنده فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا حتى تموت ثم تبعث قال وإني لميت ثم مبعوث قلت نعم قال إن لي هناك مالا وولدا فأقضيكه أو فأقضيكه فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا رواه الإمام البخاري. مسروق رحمة الله تبارك وتعالى عليه rapporte qu'il a entendu le Khabbab ibn al-Arat dire: je suis allé trouver Al-As ibn Wa'il al-Sahmi pour régler une créance que j'avais sur lui. C'est-à-dire que Al-Khabbab ibn al-Arat était un forgeron qui avait fabriqué une épée pour le compte d'Al-As ibn Wa'il. Lorsqu'il lui rapporta l'épée et lui demanda son dû, ce dernier refusa et lui dit: « Je ne te donnerai rien, à moins que tu renies Mohammed. » Khabbab lui répondit: « Jamais je ne le ferai, tant que tu n'auras pas été mort et ressuscité. » Alors reprit-il: « Moi aussi je mourrai et je ressusciterai ?»« Oui, répliquai-je. » « Eh bien, reprit-il, là-bas j'aurai des biens et des enfants et je réglerai ton compte. » C'est à cette occasion que fut révélé le verset coranique suivant: As-tu vu celui qui, refusant de croire à nos signes, disait: sûr que je serai doté de biens et de progéniture. Hadith que vous pouvez retrouver dans le Sahih de l'imam al-Bukhari sous le numéro 4732. Puis lorsque ce genre de désagrément ne portait pas ses fruits, les Quraishites décidèrent de s'en prendre physiquement aux croyants. L'imam Ibn Ishaq, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, rapporte par une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à Saïd ibn Jubayr, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, qui a dit: j'ai demandé à Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, subissait-il un châtiment qui les excusait d'avoir renié leur religion? C'est-à-dire qu'il posait la question sur les premiers compagnons qui prononçaient des paroles de mécréance sous l'effet des supplices et de la torture. Et il demanda: subissait-il un châtiment qui les excusait d'avoir renié leur religion? Abdullah ibn Abbas de répondre: oui, par Allah. Les associates faisaient subir aux compagnons du messager des châtiments en les frappant, les affamant et les assoiffant. Ils étaient incapables par la suite de rester assis dû au châtiment subi. Cela perdurait jusqu'à ce qu'ils acceptent de renier leur religion. Il leur disait: Al-Lat et Al-Uzza sont-elles tes divinités en dehors d'Allah? Et ils répondaient oui. Et lorsqu'un bousier passait devant l'un d'eux, il leur disait, ce bousier est ta divinité en dehors d'Allah? Ils répondaient que oui, et cela afin de faire cesser le châtiment qu'il lui infligeait. Allah révéla à cet effet. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Sourate 16, verset 106. Ceux qui mécroient en Allah après avoir cru en lui, sauf s'ils abjurent sous la contrainte alors que leur cœur reste ferme en sa foi. Ceux qui ouvrent volontiers leur cœur à la mécréance verront la colère d'Allah s'abattre sur eux et ils auront un terrible supplice. Ibn Hibban rapporte d'après Abdullah ibn Mas'ud, qui a dit « Les tout premiers croyants à avoir extériorisé leur foi furent au nombre de sept. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakrin, Ammar et sa mère Soumeya, Suhaib, Bilal et Al-Miqdad. Quant au messager, sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a préservé par son oncle Abu Talib. Quant à Abu Bakr, Allah l'a préservé par le biais de sa tribu, les Bani Taïm. Quant aux autres, les associâtres s'en saisirent, les faisaient porter des cuirasses en fer et les plaçaient sous le soleil afin qu'elles fondent. Il n'y avait pas un d'entre eux sans qu'ils ne se soumettent à ce qu'ils désiraient. Sauf Bilal, qui préféra subir le châtiment plutôt que de prononcer cette parole d'apostasie. Ils le prirent et le donnèrent aux enfants qui lui attachèrent une corde au cou et le traînèrent à travers les vallons de la Mecque alors que lui ne cessait de répéter « Allah est unique, Allah est unique, Ahadun Ahad ». Par cela, Bilal voulait atteindre deux objectifs, au-delà de la récompense d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le premier, c'était de montrer aux croyants la fermeté qui doit être celle du croyant sur cette grande religion. La deuxième, était de provoquer la colère chez les associâtres par cette fermeté et cette ténacité. Les associâtres l'attachaient sous le soleil de midi et posaient une pierre sur son ventre et la serraient sur lui. Ils lui disaient, ta religion est celle d'Allah ou Al-Uzza. Et lui disait, mon Seigneur est Allah. L'unique, l'unique. Il leur disait, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, par Allah, si je connaissais une parole plus insupportable et plus enrageante pour vous que celle-ci, je la prononcerais. La parole était rapportée par l'imam al-Dhahabi dans Siyar A'lam al-Nubala. Il y a eu d'autres compagnons qui subirent des châtiments à cette période-là, comme Khabbab ibn al-Arat, Yasir, Amir ibn Fuhayra, Umm Ubays, une des esclaves des Bani Zahra, Zennira, une esclave romaine, Abu Fukayha Aflah, esclave des Bani Abdiddar, et d'autres. Et à chaque fois que Abu Bakr passait devant eux, il décidait de les acheter afin de leur épargner ce châtiment, puis il les libérait pour rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah révéla ces versets à son sujet. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سورة 92 verset 15 à 21. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne brûlera que le malheureux, le damné, qui dément et tourne le dos. Alors qu'en sera écarté l'homme pieux, qui donne ses biens pour se purifier, et auprès de qui personne ne profite d'un bien intéressé, ou d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut, et certes il sera bientôt satisfait. Abu Bakr acheta et libéra Amir ibn Fuhayra, Bilal, Nudhira, Umm Ubays, Al-Nahdiya ainsi que sa sœur, et l'esclave de Amr ibn Mu'mil des Bani Adi qui était châtié par Omar ibn Khattab avant sa conversion. Abu Bakr les acheta tous et les libéra pour la face d'Allah tabaraka wa ta'ala, jusqu'à ce que ces choses-là furent reprochées par son père qui lui dit « Tu achètes des gens faibles qui ne pourront même pas te protéger. » Et Abu Bakr lui répondit, je le fais pour la face d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Parmi ceux qui furent châtiés dans cette période difficile il y eut Soumaya bint Khayyat, radiallahu tabaraka wa ta'ala anha, son mari Yasir et leur fils Ammar. Tous se firent châtier par leur maître. Lorsque Soumaya bint Khayyat, son mari Yasir et leur fils Ammar se faisaient châtier, le messager sallallahu alayhi wa sallam passa devant eux et leur dit: Sabran ya ala Yasir, fa inna ma'idakum al jannah. Patience, ô famille de Yasir, votre lieu de rendez-vous est le paradis. Yasir et Soumaya succombèrent tous deux sous les tortures. Quant à Ammar, leur fils, il survécut. Il sera témoin plus tard, lors de la bataille de Badr en l'an 2 de l'Hégire, de la mort de Abi Jahl, celui-là même qui a tué sa mère Soumaya d'un coup de lance planté dans ses parties génitales. Soumaya fut la première femme martyre en islam. Radiallahu tabaraka wa ta'ala anha. Khabbab ibn al-Arat, qui lui aussi faisait partie de ceux qui se faisaient châtier à cette époque, a dit: Nous nous sommes plaints à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était allongé à l'ombre de la Kaaba, tête appuyée sur son manteau. Nous dîmes: Pourquoi n'implores-tu pas Allah pour nous faire triompher sur nos persécuteurs? Pourquoi ne l'invoques-tu pas pour nous? Le prophète répondit, sallallahu alayhi wa sallam: Auparavant, parmi les générations qui vous ont précédé, parmi les nations qui vous ont précédé, on prenait un homme, on creusait une fosse et on le mettait dedans. Puis, au moyen d'une scie placée sur sa tête, on la coupait en deux. Avec des peignes en fer, on lui arrachait la chair à même les os. Tout cela ne lui faisait pas renier sa foi. Un hadith que vous pouvez retrouver dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Dans une autre version du hadith authentique, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah parachèvera cette religion jusqu'à ce que le cavalier sur sa monture puisse voyager en toute tranquillité de Sana'a jusqu'à Hadramaut, ne craignant qu'Allah le Très-Haut. Mais quant à vous, vous êtes des gens trop pressés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette période difficile, les éduque, leur apprend la patience, la ténacité, la persévérance pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout cela que nous avons cité étaient les plus exposés aux sévices et aux châtiments, car ils n'avaient personne pour les protéger. Mais ces châtiments ne s'inscrivirent pas sur une longue durée, et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, la plupart des châtiments cessèrent lorsque le compagnon qui était châtié prononçait la parole de mécréance souhaitée. Dès lors qu'il prononçait la parole de mécréance, les châtiments s'arrêtaient. Deuxièmement, parfois ces châtiments cessèrent par la mort du compagnon. Troisièmement, ces châtiments pouvaient cesser par l'affranchissement de cet esclave ou de cette personne, comme ce fut le cas de Bilal et d'autres qui furent châtiés par l'achat de Abu Bakr de cette personne et son affranchissement. En résumé, ce fut une période difficile pour les croyants. Abdullah ibn Omar, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, dira: L'islam était peu répandu. Et la personne était éprouvée dans l'exercice de sa religion. Soit il le tuait, soit il l'emprisonnait, avec tous les châtiments qui venaient s'accompagner à cela, jusqu'à ce que l'islam prît de l'ampleur et ses épreuves disparurent. Parole rapportée par l'imam al-Bukhari sur le numéro 4650. Dans le même temps, le messager sallallahu alayhi wa sallam enjoignait ses compagnons à la patience, à consolider leur lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, à espérer sa récompense, à espérer son secours, à multiplier les actes d'adoration. La sourate Al-Muzzammil fut révélée pendant cette période difficile dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala demande à son messager sallallahu alayhi wa sallam de réserver une partie de la nuit en prière. Les compagnons aussi priaient une partie de la nuit avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et cela dura presque une année complète jusqu'à ce que l'effritement de leurs pieds devint notoire, devint apparent du fait de la longueur de leurs prières et du fait de leurs prières quotidiennes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuha al-muzzammil, qum il-layla illa qalila, nisfahu awinqus minhu qalila, awzid alayhi wa rattil al-Qur'an tartila, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Sourate 73, verset 1 à 6. Ô toi, l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Puis Allah subhanahu wa ta'ala allégea aux croyants cela et révéla le dernier verset de cette même sourate. قال الله جل وعلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن سورة 73 verset 20. Ton Seigneur sait certes que tu te tiens debout moins de deux tiers de la nuit ou sa moitié ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Ces tout premiers croyants furent ceux choisis par Allah subhanahu wa ta'ala pour porter ce message. Ils devaient être patients, endurants, plein d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, reconnaissant pour ses bienfaits sur eux, arrachant leurs côtes de leur lit pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala au milieu de la nuit par crainte et espoir. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Il y avait face à eux des défis importants qu'ils devaient relever pour changer le cours de l'humanité. Mais cette période difficile consolida leur foi, leur détermination, leur dévouement à la cause de l'islam et au secours du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de sa religion. Ils purent supporter bien plus tard les difficultés du combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela par le raffermissement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la foi, puis par l'excellente éducation prodiguée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il ne sera pas épargné totalement des exactions et des préjudices de Quraysh. Il subira lui aussi quelques préjudices d'ordre physique, dont nous parlerons dans le prochain cours. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Nas'alullah jalla wa ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yardahu. Wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.